Le lendemain, de bonne heure, Frédéric courut au magasin de Dussardier. Après une suite de pièces, toutes remplies d'étoffes garnissant des rayons, ou étendues en travers sur des tables, tandis que çà et là, des champignons de bois supportaient des châles, il aperçut, dans une espèce de cage grillée, au milieu des registres, écrivant debout sur un pupitre. Le brave garçon lâcha immédiatement sa besogne. Les témoins arrivèrent avant midi. Frédéric, par bon goût, crut devoir ne pas assister à la conférence. Le baron et M. Joseph déclarèrent qu'ils se contenteraient des excuses les plus simples. Mais Rochimbard, ayant pour principe de ne céder jamais, et qui tenait à défendre l'honneur d'Arnoux, Frédéric ne lui avait point parlé d'autre chose, demanda que le vicomte fît des excuses. M. de Comines fut révolté de l'outrecuidance. Le citoyen n'en voulut pas démordre. Toute conciliation devenant impossible, on se battrait. D'autres difficultés surgirent, car le choix des armes, légalement, appartenait à Sisy, l'offensé. Mais Rochimbard soutint que par l'envoi du cartel, il se constituait l'offenseur. Ses témoins se récrièrent qu'un soufflet, cependant, était la plus cruelle des offenses. Le citoyen épilogua sur les mots, un coup n'étant pas un soufflet. Enfin, on décida qu'on s'en rapporterait à des militaires, et les quatre témoins sortirent pour aller consulter des officiers dans une caserne quelconque. Ils s'arrêtèrent à celle du quai d'Orsay. M. de Comines, ayant abordé deux capitaines, leur exposa la contestation. Les capitaines n'y comprirent goutte, embrouillée qu'elle fut par les phrases incidentes du citoyen. Bref, ils conseillèrent à ces messieurs d'écrire un procès-verbal, après quoi ils décideraient. Alors, on se transporta dans un café, et, même pour faire les choses plus discrètement, on désigna Sisy par un H et Frédéric par un K. Puis, on retourna à la caserne. Les officiers étaient sortis. Ils reparurent et déclarèrent qu'évidemment, le choix des armes appartenait à M. H. Tous s'en revinrent chez Sisy. Rochimbard et Dussardier restèrent sur le trottoir. Le vicomte, en apprenant la solution, fut pris d'un si grand trouble qu'il se la fit répéter plusieurs fois. Et, quand M. de Comines en vint aux prétentions de Rochimbard, il murmura, cependant, n'étant pas loin en lui-même d'y obtempérer. Puis, il se laissa choir dans un fauteuil et déclara qu'il ne se battrait pas.